Bon ben bonjour, moi c'est Grégoire. Moi c'est Antoine. Et du coup on est étudiants tous les deux en musicologie. Et on s'intéresse quand même beaucoup à la politique et on est venu depuis les débuts à Nuit Debout. Et on s'est tout de suite interrogé en fait sur pourquoi il y avait si peu de collègues, si peu et si peu d'artistes en général. Non, c'est pas qu'il y en a si peu, mais qu'il n'y a pas la tendance tout de suite à aller vers la politique chez les artistes, aller dans les mobilisations, il n'y a pas la tendance directement à s'engager. Et du coup, là, on a préparé un cours un petit peu philosophique. Du coup, pourquoi est-ce qu'il y a, on voit pas trop d'artistes, etc. Mais pourquoi, en tout cas, c'est ce qui est souvent dit. Voilà, il n'y a pas trop d'artistes, ça manque d'artistes. Ça m'est souvent arrivé d'entendre ça. Ouais, plus fort? Beaucoup plus fort? Ou alors sinon on se lève parce que ça Ouais, fait bah déjà attends. un bruit. On se relève après cette Groupe, il y a tentative. un peu d'artistes. Et du coup, la première question qu'on se posait, du coup, j'ai commencé, c'était sur dire qu'il n'y a pas beaucoup d'artistes, etc. C'est très bien, mais alors il faut commencer par se poser la question, c'est quoi un artiste? Ouais, c'est quoi un star? Ouais, ok, allez. Ouais, ça l'arsène là en plus. Pop, pop, pop, on a fait une belle feuille en fait, on a fait un bon plan. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un artiste? Qu'est-ce que c'est que l'engagement? Et qu'est-ce que c'est qu'un artiste engagé? Du coup, on a pas mal déconstruit tout ça. Alors, l'artiste, il y a plusieurs définitions possibles. Il y a notre ami Jacques Rancière qui a écrit pas mal de bouquins sur la politique et les arts, notamment dans les éditions La Fabrique. Il parlait de l'esthésis, le mot grec d'où vient le mot esthétique, comme mobiliser l'appareil d'écoute, l'acte de production, comment mobiliser son appareil d'écoute, mobiliser le système de réception d'une production en soi. Et donc du coup, comment mobiliser un appareil d'écoute et un appareil sensoriel? Et comment mobiliser un intérêt qu'on porte à tout ça? Un appareil, il y a à la fois le sensoriel, tout ce qui relève des sens, du corps, de l'écoute, de la vision, et l'appareil conceptuel. Il faut séparer les deux choses. Mais oui, du coup, on peut décliner, dans ce cas, il y a donc le sensoriel, le conceptuel, et les affects, ce qui est de l'ordre des émotions, les perceptions aussi. Et les concepts. On peut décliner les arts hein, qui posent des questions, qui engagent tout ça, tout ce qui est l'appareil sensorique conceptuel. Alors, comme exemple, pour interroger tout ce qui est art, hein, tout ce qui est sensoriel, je pensais à un ensemble qui s'appelle Vandelweiser qui utilise le silence. Ou alors Jean-Claude Risset qui utilise la perception, qui utilise les jeux sur la perception. Bon, vas-y, continue. Mais du coup, tout ça pour dire que, avant de dire que soit il n'y a pas d'artiste, soit on n'arrive pas à voir ce qu'il peut y avoir d'artistique dans ce mouvement, la première chose à questionner, c'est vraiment ça, c'est qu'est-ce que c'est que qu'être artiste, et est-ce que déjà, puisqu'il se passe plein de choses du point de vue sensible, donc ça peut être dans la manifestation, ça peut être ici, ça peut être... Et donc c'est comment est-ce que les musiciens ou comment est-ce que les artistes en général peuvent se saisir de ce qui est déjà là? Et comment est-ce que ça peut être la manière d'appréhender ce qui est déjà là qui peut le constituer comme, comme propos esthétique? Du coup, on peut continuer un petit peu. Donc toujours notre ami Jacques Rancière. Qui dit que justement le sensible et l'art, c'est déjà un enjeu de lutte politique. Parce que quand là on entend qu'il n'y a pas beaucoup d'artistes qui sont là, etc., ça présuppose déjà de ce que c'est qu'un artiste. Ce que ça veut dire que... Alors que justement, c'est quelque chose qui doit aussi se re-questionner et être questionné à la lumière de pourquoi pas catégorie politique, statut politique. Parce qu'un artiste dans la société, ça engage déjà un ensemble de rapports de force. Ah. tu avais l'exemple qui est marqué là, qui est très bien, c'est l'artiste, il peut cramer une voiture, ça passe, il n'y a pas de souci, il a le droit en fait, parce que ça peut être considéré comme une performance artistique. C'est assez marrant, alors que d'habitude, il y a un consensus tacite qui fait que du coup, il peut faire certaines choses qui sont interdites au reste de la société, il a une place à part. En troisième partie, l'artiste, c'est aussi une manière d'habiter, d'être au monde. Par exemple, John Cage qui s'intéressait aux bouddhistes et au bouddhisme et à la place qu'on a dans le monde, à la place de l'écoutant. C'est vraiment une question, une façon d'habiter le monde. Et donc du coup là-dedans, on peut aussi se rapprocher du situationnisme. L'idée qu'il y a quelque chose entre l'art et la vie quotidienne et qu'il y a une situation qui se crée, une ambiance qui se crée. Alors, deuxième partie, l'engagement, c'est quoi ? C'est quoi être engagé ? Il faut... Donc déjà, c'est être engagé pour quoi ? On est forcément engagé pour quelque chose ou contre quelque chose. Là, en l'occurrence, c'est contre la loi de travail et plus généralement contre la logique néolibérale, le capitalisme et tout ça. Alors, l'engagement, est-ce qu'il passe par un mouvement de masse ? Est-ce que l'engagement ne peut pas passer par d'autres choses ? Parce que c'est bien ça, le mouvement de masse qui peut diminuer la portée, la production artistique. Et parce que la production artistique est forcément liée à une subjectivité, à un individu, et à ses expériences, et à sa relation au monde, et à des événements. Alors, les valeurs sur lesquelles on se fonde, les valeurs pour poser... Attends, non, ça c'est toi qui avais écrit, du coup, je ne serais pas bien expliqué. Ok. Ah oui, les valeurs. Voilà. Les valeurs sur lesquelles on se fonde posent déjà des questions. L'engagement, ça ne doit pas être quelque chose de figé. Ça ne doit pas préétabli. Il n'y a pas d'argument ultime. Et cependant, il y a la question du résultat qui se pose. C'est-à-dire. C'est-à-dire que. Le collectif. Il peut être vraiment très intéressant pour ce qui est de l'impact. Et pour le coup, sur la question du processus créatif et de la subjectivité de l'artiste, ça peut poser quelques problèmes. En tout cas, chez les musiciens, il y a souvent ce problème-là. Parce que généralement, le compositeur, il compose, il est tout seul, quoi. Je sais pas quoi ajouter. L'auditeur aussi, de son côté, il est tout seul. Il fait forcément passer la réception de ce qui est produit par sa subjectivité, par ses expériences, par sa relation au monde. Voilà, c'est ce genre de choses. Du coup, on peut passer à... Voilà. En tant qu'artiste, comment avoir une démarche qu'on qualifierait d'engagé ? Contre la politique néolibérale, contre le capitalisme. C'est la troisième partie. Ce que peut faire l'artiste. Alors, l'artiste peut faire beaucoup de choses. Déjà, il peut engager quelque chose sur son environnement. Alors, il y a Latouche qui avait. Serge Latouche, qui est un des penseurs de la décroissance, qui parlait de décoloniser l'imaginaire. C'est bien de ça dont on peut parler. D'idée de faire émerger quelque chose dans l'esprit par la production artistique. Il peut aussi agir sur l'environnement physique, donc avec la performance, en construisant quelque chose, en construisant même un tableau ou alors du graphe, des tags. Enfin voilà, ça c'est agir sur son environnement, tout ce qui se passe, ou alors faire du son, c'est agir sur son environnement. C'est aussi l'environnement physique, l'environnement social, c'est les relations sociales qui se créent dans une production artistique, parce qu'il faut être au moins deux pour qu'il y ait un échange artistique. Il faut être. Il y a aussi la question du dissensus. La question de casser le consensus, un consensus, de faire émerger quelque chose, de créer que ce soit, enfin une émergence, disons, de quelque chose dans la, comment dire ça, je stresse. La question, le dissensus, c'est oui, voilà, c'est qu'il n'y ait pas juste une pensée unique, quoi. Sortir juste de la pensée unique, sortir aussi du côté spectateur, du spectacle. Là, on revient aussi au situationnisme avec ça. C'est ça, comment on arrive à cultiver aussi, à tirer profit de notre singularité, à rester critique sur ce qui est de l'ordre du conceptuel, et puis à chercher à vraiment, c'est ça, à cultiver un rapport au sensible qui reste créatif et qui reste propre à nous, et qui peut pas venir d'au-dessus, quoi, qui peut pas nous être imposé, c'est-à-dire avoir un rapport au sensible qui viendrait d'impératifs économiques je sais pas, ça reste un enjeu de résistance, la possibilité de garder une singularité et une créativité dans notre rapport au sensible. Et ça, c'est le numéro de la page. Et du coup, on parlait du possible rôle contestataire et engagé de l'artiste. Et du coup, dedans, on peut compter le fait qu'un artiste il propose un certain nombre de créer de nouvelles situations, mettre en place des nouvelles manières de vivre, etc. Proposer des utopies, créer des manières d'être en collectif, des manières d'improviser ensemble, par exemple, pour nous qui sommes musiciens. Il peut aussi poser la question de l'éthique, comment on rend sensible, par exemple, les problèmes de l'environnement ou les problèmes de, je sais pas, l'immigration, problèmes de l'économie, etc. Comment c'est rendu sensible dans un monde où tout ça, on perd la relation, on devient anesthésié à tout ça. Donc l'artiste, c'est aussi la personne qui doit lutter contre la marchandisation du sensible, donc le marketing olfactif, sonore, visuel, tout ce qui est en train d'envahir notre quotidien sensible, qui est en train de partager l'espace public, qui est en train de fragmenter, de contribuer à la logique dans laquelle on est aujourd'hui, la logique néolibérale. Il n'y a pas que celle-là, mais... Sur Harvey. Alors, il y a une problématique qui est importante au XXe siècle dans l'art, c'est briser les frontières entre l'art et la vie. On en revient du coup à qu'est-ce que l'art, qu'est-ce que la vie, et aussi on va juste se limiter à l'art parce que la vie c'est compliqué. La question de l'art au quotidien, par exemple, Nuit Debout, ça peut être envisagé comme une expérience esthétique en soi. Il y a des endroits avec des sons, il y a des choses qui se passent autour de nous, il y a des choses qui se passent, il y a des rencontres avec des idées, il y a des gens, il y a des odeurs, il y a des goûts, il y a une atmosphère générale, des images. C'est une expérience sensorielle et conceptuelle. Donc, conceptuelle dans le sens où il y a des signifiants, des signifiés. Donc c'est aussi sensoriel parce qu'on voit des choses, on sent des choses, on entend des choses. Ça peut donc être envisagé comme de l'art. Le tout est de s'en rendre compte, de cultiver ça, de cultiver l'écoute, le regard, d'écouter ce que personne ne perçoit en général. C'est là en fait, c'est autour de nous, il faut juste y prêter attention. Alors là on fait de la pub vite fait aussi pour un projet qu'on a avec des amis de la fac. C'est un projet qui s'appelle Son Debout. Et c'est un projet où on met en des musiciens, des compositeurs expérimentaux et compositeurs radiophoniques qui travaillent autour de Nuit Debout et autour de l'enregistrement de terrain, enregistrer des sons de la rue, enregistrer des sons de la mobilisation, des choses qu'il y a autour de nous, et le rendre sensible et le rendre artistique. Il y a à la fois une bande de données de sons de terrain, d'enregistrement de terrain, et des compositions et des films expérimentaux autour de ça. Et c'est un projet qui montre bien que cet acte esthétique d'écouter et de dévoiler le sensible qui est déjà là. Le sensible est autour de nous, il faut juste y prêter attention. Ça peut être, c'est ça, essayer de voir ce qu'il y a de musical ou d'intéressant dans les sons qui émergent aujourd'hui à plein d'endroits. Ça peut être dans les manifestations, il y a plein de choses qu'on n'entend pas d'habitude. Même juste dans au début des manifestations, dans les affrontements, il y a tous les bruits de verre, etc. qui, presque pris en soi, peuvent être vraiment très intéressants, très esthétiques, quoi. Tu peux le tenir, merci. Non, enfin, juste ça ira, mais merci. Et du coup, par rapport à ce projet, est-ce que tu disais que c'était un projet, mais il a été réalisé? Et du coup, je me demandais, est-ce que du coup, il a été pensé, ou est-ce que ça a été un des effets pour venir justement interroger quelque chose justement à Nuit Debout dans les manifestations, notamment par les gens qui n'étaient pas présents. Est-ce qu'il a pu faire émerger quelque chose, ou est-ce que vous pensez que c'est possible en utilisant justement par exemple ce genre de médias qui est assez intéressant? Du coup, il y a plusieurs choses. Déjà, c'est une plateforme en fait où on archive des sons, etc. Donc oui, ça permet de se rendre compte de vraiment des éléments sonores et des particularités sonores, même si on n'a pas forcément l'occasion et la possibilité de venir. Et à partir de ces archives là, il y a des compositeurs qui se saisissent de ces sons là pour faire des créations et envisager de diffuser ça lors de concerts ou à la radio ou sous différentes formes en fait. Je pense que c'est un processus qui est relativement intéressant, d'une part chez les compositeurs qui se ressaisissent de ça et qui déjà eux font un travail d'écoute, un travail de réutilisation, usage, composition, et aussi pour les personnes qui vont écouter ces choses-là. Oui, je pense que c'est... Ouais, j'y vais rien dire de plus. Hein. Ouais. On peut continuer un petit peu sur ce qu'on a fait, parce que on n'a pas parlé des limites, des problèmes liés à ce qu'on pourrait dire, de ce qu'on pourrait appeler artiste engagé. Alors, le problème numéro un, c'est la récupération, évidemment. Parce que déjà, ce qu'on a parlé tout à l'heure, briser les limites entre l'art et la vie, ce grand slogan qui est revenu, il a été récupéré par le capitalisme. Il y a le design, il y a l'esthétisation de la vie, il y a la pub, il y a... L'art aussi devient une façon de contrôler et aussi devient même un marché. Et l'art engagé devient aussi un plus-value dans les galeries. J'avais lu un article dans le Monde Diplo le mois dernier sur ça, en Angleterre, des artistes engagés qui font des trucs pour les migrants, qui dénoncent plein de choses. Ça devient vraiment un plus-value pour les grandes galeries anglaises. Et qu'est-ce que tu veux dire? Par exemple, un autre exemple, c'est la fondation Louis Vuitton qui appartient à Bernard Arnault. Et c'est un artiste qui sont dit engagé. Ai Weiwei, l'artiste chinois, c'est un bon exemple, par exemple, de cette espèce de récupération. Même malgré lui, c'est un système. C'est pas je vais faire ça sur le dos des migrants, je vais me faire de la thune. C'est pas forcément ça. Il est englobé dans un système, dans un marché. Il y a un autre problème. Il y a la question de la représentation. Par exemple, l'artiste, même d'ailleurs dans l'engagement en général, il y a ce problème de la représentation. Tu peux pas parler pour tout le monde, parler à la place des gens pour lesquels tu veux te battre. À un moment, ça a ses limites. Et tu peux pas parler pour tout le monde, pour tous les damnés de la Terre. Et l'artiste parle quand même pour sa personne à lui, pour ses expériences, pour son vécu. Il peut pas parler pour la Terre entière. Je pense qu'on va sauter ça parce que... Ah oui, il y a le problème de l'étiquette artiste engagé. Du coup, c'est un peu le même que celui que tu dis, gars, de la fondation Louis Vuitton. Là. Donc, c'est-à-dire, comment est-ce qu'on utilise cette étiquette pour ajouter une valeur, quoi. Peut-être pour se vendre mieux, pour se vendre plus. Après, il y a tout. Toi, tu parlais de Renault la dernière fois, mais... Donc voilà, cette étiquette, elle est aussi... Elle réduit vachement les artistes à simplement quelques idées, etc. Alors que ça, voilà, la sensibilité, elle dépasse aussi simplement un engagement conceptuel, quoi. C'est un front qui est plus large. C'est pas simplement, et du coup, toi, tu parlais, va parler un peu des squats. Parce qu'il y a, non, c'est juste là on a parlé des. Il y a des problèmes dans les milieux des squats, des fois entre les squats artistes et les squats militants, avec des gros dîmiers partout. C'est qu'en fait, les squats artistes se font facilement récupérer par la mairie de Paris ou de Montreuil, je pense au jardin d'Alice ou les trucs comme ça. Et du coup, il y a une méfiance mutuelle qui se crée et c'est assez. Je pense que c'est assez représentatif des problèmes des fois des clichés. Les artistes se font traiter facilement de collaborateurs parce qu'ils veulent juste faire leur truc dans leur coin. Et l'engagement n'est pas une finalité des fois. Du coup, c'est encore les problèmes des étiquettes, évidemment. Et qu'est-ce qu'on voulait dire là? Ah oui. Oui. En fait, j'ai l'impression qu'il y a une vingtaine d'années, justement, les squats étaient enfin, on y trouvait aussi bien justement de l'art expérimental que du militantisme. C'est-à-dire qu'on pouvait croiser, enfin j'ai fait partie d'un lieu comme ça, à Grenoble, où on y croisait aussi bien la CNT que Michel Chion, voilà quoi. Donc c'était, ou du cinéma expérimental, des choses comme ça. Et même les Instants Chavirés à Montreuil, par exemple, si on prend un petit peu le public, il y avait une étude qui avait été faite au niveau du public dans les années 98-2000, enfin bon, à peu près à cette époque-là, il y avait vraiment une... enfin, les gens, il y avait vraiment le côté artistique et le côté politique aussi, quoi. Et j'ai l'impression qu'il y a vraiment eu un divorce dans les 10 dernières années, en fait, où effectivement, bah, moi ici, par exemple, les copains de l'expérimental, ils sont pas venus ici, quoi. Ils sont pas venus ici, et généralement dans les lieux où on entend la musique expérimentale ou du cinéma, il y a un petit peu un discours politique, militant, etc. Mais je trouve qu'il finalement il est un peu détaché, quoi. Un peu détaché. Alors, je pense qu'effectivement c'est la pratique qui vaut avant tout, quoi. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu un petit peu un écart. Je sais pas ce que vous en pensez. Ben, ce que je peux dire, c'est un peu dilué en fait. Il y a des gens qui parlent de politique chez les artistes. Il y en a des tonnes. Je pense à quelqu'un, bah, tu vois, Mathieu Saladin, un de nos professeurs, qui parle beaucoup quand même de politique, mais il en parle, mais il va jamais, il va pas beaucoup en manif, il va pas aller voir, il va pas porter un discours militant en soi. C'est juste pour servir son analyse, qui va parler de ça. À Grenoble, c'est par exemple Jérôme Nottinger, des gens comme ça, ouais. Oui. Non. Oh, non. Non, pour savoir, vous êtes au Beaux-Arts ou vous êtes artiste? Ah, musique, d'accord, ok. Musicien, ok. On sait qu'il y a beaucoup de déceptions, on ne dit pas que c'est une généralité absolue, mais on sent que quand même, là, il n'y a pas la tendance totale chez les artistes, parce qu'il y a un côté un peu individualiste, des fois, qui peut arriver. Je m'éloigne. Ah ouais, mais en même temps, sur encore la question des étiquettes, c'est-à-dire dire qu'il y a tel endroit où c'est plutôt des artistes et tel endroit où c'est plutôt des gens engagés, etc., ça pose aussi vite un problème. Parce que toutes ces grandes catégories, elles sont là pour quadriller des choses qui sont quand même plus compliquées. C'est-à-dire que, il y a des artistes qui, c'est pas forcément dans ce qu'on dit et dans ce qui se voit, ce qui est là à première vue, que on peut cerner tout de suite. Par exemple, je sais pas trop, t'as pas un exemple de manière de d'être engagé qui se voit pas forcément chez les musiciens ou ce genre de trucs. Peut-être c'est déjà une manière de s'engager, quoi. Dans la manière d'être, même par exemple, je pensais un truc très con, dis-moi si j'ai dit une connerie, mais par exemple la compositrice Eliane Rally, à un moment dans les années 80, il y avait les féministes qui commençaient à arriver et lui demandaient de venir rejoindre les mouvements féministes. Mais elle leur disait, mais le fait que je sois là, que je sois reconnue comme compositrice, c'est pas déjà quelque chose, un acte militant, un acte féministe? Voilà, enfin l'idée, des fois t'as pas besoin, voilà, d'aller en manif pour montrer que t'es un artiste militant, un artiste engagé. T'as pas besoin de l'étiquette pour ça, en fait. Alors il y a aussi d'autres trucs qu'on a parlé, dont on n'a pas parlé, la multiplicité. Tu veux parler de ça? Ah non, on en est là. Bon, il y a aussi le problème de la professionnalisation de l'art. Le problème, c'est que l'art devient aussi un métier, un marché, et c'est aussi un problème de la professionnalisation qui est lié à la mondialisation. C'est un problème occidental, déjà au départ, qui est aussi lié à la mondialisation. Il y a aussi le star system, qui a posé un énorme problème, qui s'est créé, qui est donc une invention du capitalisme. Il y a aussi le marché, tout simplement, oui. Et l'individualisme dont je parlais, c'est aussi créé donc à la fois par le star system, mais aussi le phénomène d'atomisation du monde qui est créé par le capitalisme, le culte du moi qui en découle, et puis les réseaux sociaux, ça s'arrange pas, ce genre de choses. Je dis pas qu'il y a pas de évidemment qu'il y a des collectifs d'artistes, il y a des déceptions partout dans ce qu'on dit, mais c'est juste dans les tendances en la multiplicité, tu veux en parler? Ou on avance pour en parler un petit peu, mais c'est justement dans les collectifs qui marchent bien, c'est les collectifs qui gomme pas toute individualité, quoi. C'est juste une manière de tenir ensemble, faire tenir ensemble des éléments hétérogènes. Et du coup, ça nous renvoie à la bonne vieille question, comme t'as mis, individu, collectif. Donc voilà, ouais. Où est-ce qu'on se place en tant que sujet? Où est-ce qu'on se place dans un collectif? Comment est-ce qu'on fait pour résister en tant que sujet sensible avec notre propre subjectivité, avec notre singularité à cultiver, etc. Et en même temps, réussir à s'inscrire dans ce qui se passe autour de nous. Donc voilà. Bon, ça, on a un peu petit peu déjà parlé, non? Ouais. Mais avoir une perception ouverte, là, c'est un peu la grosse conclusion qu'on va avoir. Là, on en est dedans. On en revient, du coup, il y a les perspectives, il y a l'engagement de l'esthétique, de l'acte esthétique, et il y a une esthétique dans l'engagement. Il y a ces deux processus-là qui avancent parallèlement, mais il faut, dans ces deux cas, avoir une perception ouverte de l'esthétique et de l'engagement. Il faut avoir une certaine grille de lecture relativement large pour pouvoir accepter un engagement de l'acte esthétique et une esthétique de l'engagement. Et là, on en arrive aussi à un autre problème, c'est notre ami Pierre Bourdieu qui en parlait dans la distinction, le problème des habitus au niveau sociologique et les problèmes de la... qu'il y a des perceptions différentes d'actes artistiques selon les classes sociales, selon les milieux sociaux, comment on réagit à tel acte artistique. Et c'est des problèmes qui sont très très compliqués, on va pas hésiter de faire 900 pages. Et il y a aussi les... il a aussi montré autre chose, c'est qu'il y a les tentatives de démocratisation par les institutions et par le capital de productions artistiques, que ce soit l'art contemporain, ils utilisent la généralisation, la réutilisation de procédés de communication de masse pseudo-subversifs. Il y a des trucs vraiment très très craignos, on va dire. Et on fait du pas subtil, ça fait qu'il y a un art mainstream, il y a un art prémâché qui s'est créé par la démocratisation, par l'espèce de communication de masse. Et surtout, c'est prémâché pour l'idée qu'on se fait du peuple. Une idée préconçue qu'on se fait du peuple, c'est un gros problème. Et aussi une idée complètement conne de la subversion, de l'art subversif. Qu'est-ce que c'est de l'art subversif? Ça peut être des millions de trucs. Et voilà, on se fait l'idée que certaines idées de ce que peut être l'art, l'art engagé, par exemple, là, je ne sais pas si vous êtes allé voir à Pompidou Gérard Fromanger. C'est une arnaque absolue, je trouve. Ce mec, il a juste à mettre une photo des migrants, à mettre du rouge et du jaune. Ça y est, je suis un artiste engagé. Super. Il y a aussi une autre question. Avec Bourdieu, on parlait de ça, des problèmes des habitus selon les classes sociales. Le problème de comment tu communiques aux gens quelque chose qui nécessite une transformation profonde de toi, qui nécessite aussi une immersion dans quelque chose, une immersion dans des propositions artistiques. Il y a aussi le problème de sortir de l'entre-soi, du coup. Tu peux forcer personne à adhérer à quelque chose, et même il faut pas, parce qu'il y a la nécessité du dissensus. J'ai écrit ça en majuscule, donc c'est très important, la nécessité du dissensus. De créer un dissensus, de créer une discussion, et on a besoin d'un processus de pensée critique. Tu veux avancer sur le dissensus? Du coup, ce qu'on disait, on en a besoin. Il permet d'éviter tous les mécanismes d'unicité, d'uniformisation, etc. Et en même temps, le dissensus, il est aussi jamais là où on l'attend. Et du coup, c'est ça qui pose problème avec l'étiquette de l'art dissensuel ou l'art subversif, etc. C'est que ça doit rester quelque chose de bancal, qui dépend des situations, etc. Quelque chose d'hésitant. Là où les grosses machines des mass médias, etc., elles proposent un truc plus découpé, peut-être plus séduisant, où l'artiste engagé, c'est... je sais pas, t'as un exemple un artiste engagé... Zaz, voilà. Donc Zaz, par exemple. Donc voilà, s'il est pas là où on l'attend, le dissensus, il est plus là, quoi, il existe plus. Et du coup, pour conclure, ça repose la bonne vieille question du postmodernisme. Comment on trouve du dissensus aujourd'hui sans tomber dans le relativisme absolu, sans tout remettre en question, sans perdre l'idée d'un sens, l'idée d'une... Comment est-ce qu'on peut redonner de la valeur ou un sens sans tomber dans le travers de l'authenticité absolue? Voilà. Bon, j'espère que c'était un peu clair, pas trop bancal, parce que on l'a fait. Mais est-ce que vous avez des questions? Vous aviez une question tout à l'heure. Bah, moi j'en ai une en fait. Enfin, moi quand je pense à l'artiste engagé un peu institutionnel, je pense à JR par exemple en ce moment. Alors ça c'est super, hein. On prend le peuple en photo, on le met sur le Panthéon, c'est super, tout le monde est content, on rend le peuple visible, mais c'est du spectacle absolu pour moi. Et le type, voilà, dans les soirées dans le monde entier avec ses amis qui font du R&B et qui gagnent des millions. Et les gens pensent que c'est vraiment engagé, que ça va bien, enfin c'est bien pour le peuple, etc. quoi. Donc là on est vraiment dans la plus-value de l'engagement politique. Je finis quoi. Et il me semble qu'effectivement à côté, il y a des gens qui vont pas du tout afficher cet engagement politique, mais qui dans leur pratique, alors je pense par exemple à un cinéaste comme Nicolas Ray, je ne sais pas si vous connaissez, qui a été très important, qui est toujours très important dans le mouvement des laboratoires de développement de films expérimentaux, etc., autonomes, comme il y en a à Grenoble aussi, avec MTK, et qui, dans sa pratique, dans sa façon de produire le film, de le filmer, de le monter, etc., tout ça, à toutes les étapes de la chaîne, en fait, il y a vraiment un questionnement éthique. Qu'est-ce que je suis en train de faire, avec qui je travaille, etc. quoi. Mais dans son film, bon, il y a une petite coloration quand même politique, mais finalement c'est plus le faire en fait qui est dans cette expérimentation et dans cette ouverture des possibles. Je pense que c'est peut-être de ça que vous vouliez vraiment parler, quoi. Et dans cette phase expérimentale, le problème c'est que l'expérimental lui-même est devenu une école. Donc on reproduit de l'expérimental avec des codes un petit peu inconscients comme ça, et voilà, et c'est la critique que faisait Debord justement par rapport à la pérennisation des structures, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, bah, ça se phagocyte, et tout ce qui dans la vie est à l'état fluide devient coagulé, quoi. Le spectacle, c'est ça, c'est quand ça coagule, et ça peut continuer à avoir une image d'expérimentation, d'engagement, etc., mais il reste que l'image, quoi, voilà. D'où la nécessité pour un art, je crois que c'était l'esprit de Duchamp, d'un art de ne pas se répéter et de toujours se renouveler, se re-questionner en fait sur ce qu'il est en train de faire. Enfin, voilà, c'est un peu le... Bon, c'était pas pour une question, c'était plus une observation par rapport à ça. Je rebondis sur toi, là tu parles de Duchamp, mais Duchamp, à mon avis, il a été complètement récupéré, quoi. C'est-à-dire, c'est... Non, mais la question essentielle, bon, je pense que tu es artiste, mais pas, bon, non, t'es pas, bon, moi je le suis, pas dans la même discipline, je suis peintre, et il faut quand même être réaliste, et là vous parlez, enfin à mon avis, vous parlez de choses, vous parlez de façon, moi je vous comprends, mais je suis pas sûr que tout l'auditoire peut vous comprendre, déjà, au niveau... du langage, c'est quand même très spécifique au milieu artistique, et c'est pas forcément compris, si tu veux. Voilà. Donc moi, ce que je voudrais dire, en tant que vieil artiste avec une certaine expérience, c'est que bon, j'ai une certaine conscience qu'actuellement, c'est-à-dire, c'est aussi bien dans l'art que dans l'argent, tout ça, c'est le marché. Il y a un marché, c'est le marché qui contrôle tout. Et si tu veux, et le problème, c'est que des artistes plus ou moins talentueux, ou pas du tout, ou même très, se font piéger par l'argent, la renommée, et sont saisis par les médias, et voilà, et sont complètement pris par le système, quoi. Donc il n'y a pas de remise en cause, parce que le capitalisme, il a l'intelligence de prendre, d'utiliser, si tu veux, tout ce potentiel là pour se l'accaparer et le mettre en sa faveur. Donc voilà, on peut pas. Je veux dire, il y a une réalité. Et la réalité, si tu veux, en fin de compte, que ce soit en art, en économie ou ailleurs, c'est l'argent, c'est tout. Il y a 3-4 collectionneurs en France qui contrôlent le marché de l'art. Et qui sont-ils? Ce sont les milliardaires du Pinault, machin truc. Et c'est eux qui décident de tout. Et voilà, je veux dire, tant qu'il n'y aura pas un changement profond de société. Voilà, on est victime. Soit tu joues le jeu en tant qu'artiste, soit tu refuses de le jouer et t'es mis au banc. Et voilà, parce que tu veux pas. Mais bon, ça n'empêche pas de continuer à travailler, à produire. Mais enfin voilà quoi. Mais bah, j'ai d'autres choses à dire, mais je vais laisser parler quelqu'un d'autre. Quoi. Mais allez, qui veut. Alors justement, concrètement, je voulais savoir. À qui proposer des performances artistiques ici sur la place avec Nuit Debout? Est-ce qu'il y a une commission artistique, une commission culturelle? À qui on peut proposer quelque chose de concret justement? Moi, je suis pas. Je passe d'autres. Moi, je ne sais pas, parce que je suis pas spécialement membre de Nuit Debout. Ça m'intéresse parce que je suis content que les citoyens commencent un peu à parler, à se poser des questions, à discuter, à remettre les choses en question. Il y a un tel lavage de tête avec la télévision, les médias, toute cette collusion, ça devient infernal. À un moment donné, les gens, ils sont pas bêtes. Ils se rendent bien compte qu'il y a, voilà. Donc, mais moi, j'ai aucun pouvoir et je ne fais pas partie du... Donc, je peux rien proposer. Juste pour répondre du peu que je sais par rapport à Nuit Debout, il n'y a pas vraiment une commission artiste, mais il y a une commission dessin, il y a une commission poésie, il y a une commission danse, musée aussi, ça fait partie du thème quoi. Et eux, je sais qu'au moins dessin et poésie, ils font des trucs. Nous par exemple, il y a une de nos affiches qui l'ont fait, des trucs comme ça. Donc après, vraiment pour parler de grosses performances, effectivement, ça manque un peu, mais des idées à proposer justement. Bon, déjà, il y a aussi l'accueil, en fait, qui centralise un peu toutes les commissions existantes et auprès desquelles on peut se renseigner. Après, Nuit Debout, ça s'est fait aussi avec des gens qui sont arrivés, qui n'ont rien demandé à personne, qui se sont assis dans un truc et qui se sont dit, on fait ça, quoi. Donc, il y a la possibilité de le faire, tout simplement. Après, ça dépend de la taille du truc. Si ça prend la moitié de la place, évidemment, peut-être un petit peu se renseigner pour pas trop gêner les copains autour. Mais voilà, après, c'est une initiative personnelle. Il n'y a personne qui va te dire « moi, j'accepte de coacher ton truc », etc. C'est un truc à proposer. Tu peux venir le faire, je pense. Il y a cet espace-là. Bon. Après, se coordonner un minimum avec les autres. Mais voilà, tu vois, c'est ça. Moi, je suis très heureux parce que je me rends compte quand même qu'une partie, une grande partie de la jeunesse n'est pas du tout dupe de tout ça. Et voilà quoi. Donc, j'ai un fils qui est au Beaux-Arts, auquel on essaye à mettre, à formater quoi. Je veux dire, tout maintenant est une question de format. Et ben voilà, donc c'est complexe, hein. C'est tellement complexe tout ça. Mais je reviens au truc principal. C'est le marché. Il y a un marché et des artistes, c'est la tentation, quoi. Je veux dire, qui ne veut pas à un moment donné passer à la télé. Tu parlais de qui, comment il s'appelle, du photographe JR. Oui, qui est une escroquerie fondamentale. C'est l'art business, comme est Jeff Koons, comme un peu a été repris Duchamp. Je suis désolé, Duchamp, voilà. Non mais Duchamp, attention, Duchamp, il est impossible pour un jeune artiste carriériste de se passer de parler de Duchamp. On est obligé de faire ça, mais attention, Duchamp, effectivement, il a été récupéré, mais même Debord, je veux dire, Solers, il a fait un siècle d'écrivains sur Debord, quoi. Debord conchier Solers au plus haut point, et Solers a quand même tenu à faire ce truc-là. Debord était mort, il pouvait rien faire, le pauvre. Bon, de toute façon, être récupéré, on n'a pas le choix, une fois qu'on est mort, c'est comme ça. Duchamp, ce qui est important, c'est ce qu'il a fait au moment où il l'a fait. Quand Duchamp, par exemple, Charbonnier lui demandait, mais alors les ready-made, vous en avez fait quoi ? Je les ai jetés. Il les avait jetés, quoi. Et après, en 67, on lui a demandé de le refaire. Il a été au BHV, il a acheté un urinoir, et puis là, il l'a fait. C'était pas important. Duchamp disait, moi, ce qui est important, c'est le moment, l'instant T où je le fais, quoi. Didier Duberman en a très bien parlé de ça. Et Duchamp, on savait très bien de toute façon qu'à partir du moment où il envoie quelque chose dans la sphère publique, ça lui appartient plus. La récupération de l'œuvre, qu'est-ce que t'en penses ? C'est inévitable, parce que justement Duchamp avait très bien conscience que du moment où c'est dans la sphère publique, ça ne lui appartient plus. Même si on met des copyrights, etc., tout ça, il y a bien un moment où quelqu'un va se le réapproprier. Duchamp, il y avait une pensée vraiment très profonde, il y avait une pratique profonde. Qu'est-ce qu'on en a retenu ? C'est l'œuvre d'art érigée, la banalité érigée au rang d'œuvre d'art. Et tous les jeunes artistes ont acheté des boîtes de conserve, les ont mises comme ça et se sont dit, je suis comme Marcel Duchamp, c'est génial. Le ready-made, ça allait beaucoup plus loin que ça. La récupération est inévitable à un moment donné, quoi. On peut pas tout maîtriser, c'est ça. Et Duchamp, sur la question de la maîtrise, on avait très bien conscience. John Cage, qui était un petit peu un de ses élèves aussi, on avait très bien conscience. Donc, il y avait aussi ce recul, en fait, de la personnalité de l'artiste. Même si Duchamp, il y a cette image très, très enflée, quoi, etc. Mais il y a un détachement. Finalement, rien n'est grave. Quelque part, quoi. Il y avait ce côté un petit peu chez Duchamp. Cage l'a très bien récupéré. Donc il y a vraiment cette conscience que ce qui est important, c'est ce qu'on fait au moment où on le fait dans une certaine sphère. Et après, bah, ce qu'il en advient, on n'en est plus maître. Voilà. Bah, moi, je veux parler d'une dernière chose, parce qu'après je dois y aller. C'est de la récupération par les politiques, justement, entre l'artiste et le politique, par les politiques des artistes. Bon, vous étiez peut-être très jeune, mais en 98, j'ai fait l'inauguration de la Porte Saint-Denis. Je ne sais pas si ça vous parle quelque chose. Il y a eu, financé par la ministre de la Culture de l'époque, Trottmann, le maire de Paris, tatati, tatata, tout ça. Donc, on a eu, une, en tant qu'association, des fonds assez énormes pour faire cette... Aucun des artistes qui ont participé n'ont été payés. Et en fin de compte, moi j'étais comme plus jeune, je me suis rendu compte qu'on était complètement, complètement utilisé quoi, par les politiques. Donc du coup, la distance qu'artiste en prend avec ces gens-là, parce que voilà, je veux dire, ils n'ont rien à foutre de l'art, ils se servent des artistes pour qu'on parle de d'eux, pour se faire mousser. Donc voilà, donc. Si tu veux, c'est pour ça qu'il y a vraiment une, je ne sais plus le mot que tu utilisais, une situation entre les artistes et le monde politique et l'idéologie, parce que voilà. Oui, à la réflexion, il apparaît quand même, et à l'observation, il apparaît quand même que le milieu notamment de l'art contemporain est étrangement absent des mouvements sociaux aujourd'hui. C'est une question qu'on peut se poser et peut-être que, bon, il y a sans doute plusieurs explications à cela. Une des explications est sans doute la particularité du financement de l'art et de l'art contemporain aujourd'hui en France. C'est vrai que la majorité des structures dépendent en fait de subventions publiques ou de certains mécènes qui trustent finalement complètement le milieu de l'art aujourd'hui. Ce qui fait qu'en fait, on peut se poser la question de la liberté de l'artiste contemporain aujourd'hui. Est-il vraiment libre de sa propre production dans la situation actuelle ? Alors, on peut espérer que certains artistes pourront peut-être se dégager de ceci. Mais il y a effectivement une question alimentaire qui est posé à tous les artistes et qui fait qu'il y a une contrainte aujourd'hui et que finalement on remet en cause la liberté de création de l'artiste. Alors je crois que c'est quand même le gros problème. Alors je ne sais pas si ici à Nuit Debout beaucoup d'artistes sont venus s'exprimer. Je pense qu'il serait intéressant effectivement, comme vous le proposez, qu'il y ait des artistes qui par le biais de performances puissent s'exprimer ici sur la place et puissent s'intégrer à ce mouvement. Je pense que ce serait un grand pas, notamment que aussi des étudiants d'école d'art ou des choses comme ça puissent venir s'exprimer ici directement. Je pense que ça produirait en fait une coupure par rapport à cette situation de l'art contemporain où en fait l'artiste contemporain aujourd'hui doit effectivement passer par le prix Marcel Duchamp pour avoir des roses au restaurant de Beaubourg et avoir un accueil dans ce milieu-là. Alors je pense qu'il serait important qu'un groupe peut-être se constitue, enfin moi je suis provincial donc pas ici, mais il serait peut-être intéressant qu'un groupe se constitue et qu'il vienne s'exprimer ici sur la plage. Je pense qu'il y a forcément dans les écoles d'art, il y a forcément des jeunes qui aujourd'hui ont envie de faire cette rupture avec ce monde de l'art contemporain financé par les grands mécènes et par l'État et qui en même temps lie les mains aux artistes. Voilà. Bravo. Mais ça va être ça marche plus. Ça va être très dur parce que actuellement le directeur des Beaux-Arts, qui est une star dans l'art contemporain, je veux dire, il y a quand même, on laisse la possibilité aux artistes de d'apprendre d'autres choses, mais je veux dire, il y a quand même, à mon avis, et même avant les Beaux-Arts, même dans les écoles d'art, même dans les trucs préparatoires, il y a un gros comment dire. Truc de tête quoi. Enfin, on essaye vraiment par volonté politique du gouvernement de les mettre de les formater. Voilà, il y a une volonté politique du pouvoir de formater les artistes. Mais ça, ils n'y arriveront pas parce qu'on peut pas formater. Enfin, on peut pas formater un artiste. C'est quelqu'un de libre qui refuse justement, qui va pas forcément aller dans un mouvement politique, tout ça, qui va peut-être se sentir proche de ce qui passe et qui va exprimer par son art son truc, mais on ne pourra jamais contrôler les artistes. Enfin, j'espère. Voilà. Bonjour, donc moi je m'appelle Emma, je viens de Nuit Debout Toulouse et ce débat m'intéresse parce qu'en fait à Toulouse il n'y a pas du tout eu ce genre de débat et donc moi je fais une classe prépa art et design, en fait c'est parce que le monde de l'industrie m'intéressait mais après en soi je compte pas travailler là-dedans plus tard et donc du coup moi à côté de ça je peins en fait et je dessine et du coup à Toulouse une fois, enfin vers le début, j'avais ramené en fait des bâches, j'avais mis du papier, plein de médiums à disposition. Et du coup, les gens sont venus et ont créé, en fait, tout simplement. Et après, on a exposé ce qu'on avait fait sur la place. Voilà. Et bon, c'était marrant. Enfin, parce que moi, par exemple, mon dessin, il était. Enfin, quelqu'un l'a pris, en fait. Genre, quelqu'un est passé, l'a pris. Du coup, c'est marrant aussi de voir comment les gens perçoivent la place publique. Donc, enfin, comment ils perçoivent aussi les œuvres quand elles sont dans la rue et quand elles sont dans les musées. Et après, du coup, une deuxième fois, j'avais ramené, en fait, avec une copine, on avait fait une exposition, en fait, on avait accroché nos œuvres au sol et on avait exposé. Et c'était assez marrant, en fait, parce qu'on voyait tous les vieux qui allaient à l'opéra et qui s'arrêtaient absolument pas pour regarder. Bon, il y en a certains qui s'arrêtaient, mais voilà, ça, c'était marrant aussi. Et après, en fait, moi, franchement, l'art contemporain, j'ai du mal à comprendre ce que c'est être un artiste, j'ai du mal à comprendre ce que c'est... le marché de l'art, j'ai du mal à comprendre ce que c'est l'art contemporain, parce que j'ai l'impression que c'est des critères un peu subtils que j'arrive pas à capter. Après, moi, là, je suis en stage, en fait, à la Maison Rouge, et du coup, c'est très intéressant parce que j'assiste aux réunions, et du coup, il y a le fondateur de la maison qui disait qu'en fait, aujourd'hui, dans une réunion, il expliquait qu'en fait, aujourd'hui, dans les ventes aux enchères ou dans les réunions, bah, il y a strictement aucune parole politique, alors qu'il y a plusieurs décennies, en fait, les gens vraiment, enfin, il y avait des gros débats, les gens s'engueulaient, quoi. Et là, en ce moment, c'est vraiment le pognon plus que tout, quoi. Et du coup, voilà, en fait, la politique n'a plus sa place dans l'art, même si le pognon est une forme de politique. Et après, du coup, voilà, enfin, en fait, moi, je suis là. Après, vu que je suis en voyage, j'ai pas de matos à disposition, mais s'il y a des gens qui sont chauds pour organiser un petit atelier, un de ces quatre, ben moi, je suis grave chaude pour prendre contact et qu'on fasse ça. En fait, il y a un truc que je voulais dire depuis tout à l'heure par rapport à ce qu'on appelle l'art contemporain. Il faut faire gaffe, il n'y a pas un art contemporain, il y a des artistes contemporains. Contemporains, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'ils sont, ils font des trucs actuellement. Mais c'est vrai qu'on nous a tellement mis dans la tête qu'il y a l'art contemporain avec un grand A et un grand Q. Ouais, l'art officiel, quoi. Donc c'est ça le problème. Aussi, un autre truc, ouais, la Maison Rouge aussi, c'est privé, c'est ça ? C'est un truc privé, tu sais à qui ça appartient ? C'est Antoine de Galbert, ouais, c'est un grand collectionneur, un mécène. Ouais, voilà. Et franchement, c'est chouette, ils sont sympas, il y a une bonne ambiance. Ouais. C'est marrant, en plus, tu sais ce que je voulais dire, il y avait un autre truc sur lequel je voulais aller, sur le côté, oui, public-privé. Il y a un gros souci avec ça, c'est qu'on a aussi cette image on va continuer sur les arts plastiques, la maison de Tokyo, le palais de Tokyo, c'est privé, c'est à la fondation Bettencourt. Mais c'est la fondation Bettencourt. Mais c'est l'État, mais en fait, on a souvent une image d'un art qui bouge. Les artistes actuels, apparemment, c'est dans le privé, alors que le patrimoine, c'est dans le public. Il y a une image aussi qui commence à se créer dans les. Je ne sais pas si tu es d'accord. Les grands collections contemporains sont complètement liés au pouvoir politique. Quoi. Ça fait partie de la même. C'est enfin, mon avis, quoi. Je veux dire. Après. Bon, ils ont le pouvoir de l'argent, tout simplement, quoi, et de pouvoir, mais ils s'en font pas mal d'ailleurs avec, parce que je sais plus si c'est Pinault ou truc. Bon, eux, c'est pas, je veux dire, c'est pas Drouot, ils vont gagner 10 000 euros, c'est par millions d'euros qu'ils gagnent en achetant un Jeff Koons à 2 millions et en le revendant à 4, quoi. Voilà, quoi. Non, mais c'est un tout petit monde qui personne qui dirige tout et ils ont le pouvoir. Qu'est-ce que tu veux faire ? Je veux dire, si tu te dresses en tant qu'artiste, si tu as le malheur de dire, je dirais pas mon nom, contre eux, ils t'assassinent, quoi. Ils t'assassinent, c'est tout, quoi. Enfin, je veux dire, ils t'assassinent dans le sens qu'ils vont tout faire pour que tu puisses, tu restes, voilà, que tu n'aies aucune chance de montrer ton travail, c'est tout. Je reviens un petit peu par rapport à la question que vous posiez. Alors, ici, il y a un espace, finalement, qui est un espace libre, qui est occupé temporairement. Et je pense que de la même manière qu'il y a un orchestre qui s'est créé et qui, périodiquement, vient ici s'exprimer, il serait bien que des artistes debout, entre guillemets, puissent aussi, temps en temps venir s'exprimer ici. Donc il faudrait peut-être qu'avec les quelques personnes qui sont là plus fréquemment, peut-être qu'un petit groupe se constitue. Et je pense qu'à partir du moment où ce groupe commencera à s'exprimer ici, ça va intéresser des gens et ça va agglomérer un certain nombre de personnes autour, y compris dans différents domaines, parce qu'il faut créer des passages entre différentes expressions artistiques. Ça peut très bien se faire en même temps qu'il y a une animation, une intervention musicale. Il peut très bien y avoir d'autres artistes qui font des performances sur cet espace. Et je pense que ça fait partie d'une dynamique, entre guillemets, révolutionnaire, si on veut, que d'avoir cette expression artistique dans un mouvement comme Nuit Debout. Non, mais moi, si vous arrivez à convaincre Mathieu Saladin, ses copains de Tassette et de Revue Corrigée de venir ici, super. Ce serait très bien, parce qu'effectivement, ça manque un petit peu, sa démarche-là. Une dernière question. Est-ce que vous avez parlé justement de la place de la mondialisation, enfin, de la place de l'art dans la mondialisation ? Parce qu'il n'y a pas qu'en France, c'est partout. Est-ce que vous en avez parlé ou pas ? Je ne sais plus. Ah, bon. Et en fait, je travaille dans Revue Corrigée. Du coup, ouais, il y a moyen. Je sais pas s'il y a d'autres trucs à dire, d'autres idées. Moi, je voulais parler un petit peu de la question de la liberté de l'artiste, parce que ça, c'est assez problématique. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a ce modèle de l'artiste contemporain comme un chef d'entreprise qui crée sa boîte avec vraiment une planification, des conseillers en communication, etc. On voit par exemple, je sais plus comment elle s'appelle... Marina Abramovic, qui est devenue ça, quoi, qui était dans les années 80 était fantastique et qui est devenue une espèce de boîte avec des conseillers en communication qui disent voilà, il faut que tu fasses ça, avec des robes de haute couture, ainsi de suite, quoi. Donc c'est vraiment du business. Et je pense que c'est un peu Andy Warhol qui a initié un peu ce mouvement, quoi, justement, à la même époque où Kaprov disait il faut confondre l'art et la vie, dans un certain truc assez sain, quoi, avec John Cage. De l'autre côté, il y avait Warhol qui a dit ouais, pas de problème, on va confondre la mode, le business et l'art, quoi. Et ça a bien réussi, ça s'est bien imposé, quoi. Donc effectivement, il n'y a pas un art contemporain, il y en a plusieurs avec différentes filiations. Pour ce qui est de la liberté de l'artiste, finalement, c'est une idée assez récente, c'est une idée romantique. L'artiste qui est créateur dans son grenier, qui souffre des affres de la création sans avoir rien à manger, Beethoven, machin, etc. L'artiste à la Renaissance, c'est un employé. C'est un artisan, je veux dire, Rubens, c'est génial, mais c'est des commandes. Enfin, il fait des choses qui, voilà, Bach, il fait ce qu'on lui dit de faire, quoi. Et c'est des gens qui sont considérés à l'époque à peu près comme les domestiques. Donc c'est au 19e siècle, en fait, que vraiment se crée l'idée de la figure de l'artiste romantique, libre, influencé par les muses, etc., etc. C'est à ce moment-là. Et après, on pioche dans les quelques farfelus anciens, les Fra Angelico, les Rembrandt, etc., qui étaient ingérables, pour dire, voilà, l'artiste a toujours été une espèce de fou libre, etc. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. C'était des gens qui étaient des artisans qui créaient, voilà. Donc l'artiste contemporain, chef d'entreprise qui crée selon la commande, c'est pas nouveau, quoi. C'est pas, voilà, l'artiste libre, finalement. Et sur un plan historique, c'est plus court, cette idée-là, quoi. Tant mieux que ça se soit développé, et ça peut continuer, mais voilà, c'est juste pour dire, en fait, l'artiste, par définition, n'est pas un anarchiste libre et fou, visionnaire à la Beethoven, quoi. Je sais pas si tu voulais répondre à ça. Moi, en fait, c'est marrant, on pouvait aussi parler d'artisan. Dans artisan, il y a art, exactement. C'est le mec qui fait une chaise, c'est un artisan. Et qu'est-ce que tu veux dire avec ça? Dans la liberté, il y a l'idée d'éthique aussi, et ça, tu peux en parler un peu. Forcément, quand il y a liberté, il y a la question de l'éthique qui s'ajoute à ça. Qu'est-ce qu'on fait, dans quelle mesure avec, je sais pas, tu veux... Toi, tu travailles sur l'éthique en même temps? Un petit peu. Ouais. Mais du coup, oui, et en même temps, il y a toujours une manière de se placer par rapport au marché et de suivre d'autres voies que celles du discours officiel de l'art et des institutions, etc. Sans pour autant les diaboliser, quoi. On peut être dans l'institution et avoir un recul sur celle-ci, on peut être en dehors de celle-ci. Il y a pas mal en musique expérimentale, il y a quand même encore beaucoup de choses qui continuent de survivre et peut-être qu'on n'a jamais aussi bien vécu que... une heure où on est submergé de musique hyper commerciale partout tout le temps. Il y a aussi une responsabilité de l'individu, quoi, de chaque artiste, etc. vis-à-vis de c'est ça, comment est-ce que je me place dans mon processus de création, comment est-ce que je me place vis-à-vis du marché, vis-à-vis de la reconnaissance, de l'autorité, etc. Est-ce qu'on a besoin, pour être artiste, d'être reconnu artiste, d'être soumis à l'autorité institutionnelle qui serait celle qui définit l'artiste en tant qu'artiste? Je ne sais pas si c'est clair, si c'est une bonne idée. Et tout à l'heure, tu parlais dans l'engagement aussi, dans le faire quelque chose, dans le processus de création, dans la diffusion, il y a le punk qui est toujours vivant, qui fait toujours les trucs. Dans le punk rock, le punk. Les gens qui crient très fort et qui font des trucs dans leur coin, il y a un circuit de diffusion complètement différent. Dans la musique expérimentale aussi, il y a un circuit de diffusion. Ils contrôlent ce qu'ils font de A à Z, depuis la création, la conceptualisation, jusqu'à le système de diffusion, la production, le financement. Ils sont pas totalement indépendants. Des fois, il y a des trucs où ils ont besoin des aides de la région, des trucs comme ça, mais c'est relativement sain, relativement. Ouais. Ça, c'est dans le punk rock, dans les musiques expérimentales, mais en fait ça peut être partout. C'est juste aussi une manière de décider comment est-ce qu'on fait un compromis avec ce qui nous est proposé, avec l'environnement social, etc. Comment est-ce qu'on... Ouais. Et donc du coup, ce que j'ai en tête aussi, c'est je me dis peut-être le star system à un moment il va quand même s'effondrer. À un moment, les gens vont peut-être en avoir un petit peu marre, peut-être. J'ai un peu d'espoir par rapport à ça, je sais pas si... De bord, en 68, ils pensaient que c'était fini. Hein. Ouais. Tout ça, c'était fini, qu'on allait passer à autre chose. Hein. Après, il est devenu alcoolique. Mais voilà. Mais donc, non, on a toujours l'impression, effectivement, qu'à un moment donné, ça va s'effondrer. Je pense que c'est notre propre fatigue qui nous fait dire ça, en fait. On se dit... De toute façon, ils sont allés tellement loin qu'ils peuvent pas aller plus loin, et puis c'est fini, et puis ils arrivent toujours à aller plus loin, malheureusement. Donc voilà, mais effectivement, c'est très vrai ce que tu dis, parce que vous dites, c'est que au niveau des musiques expérimentales, il y a 20 ans, moi j'écoutais ça au 102 à Grenoble, dans les squats, etc., on était 20 personnes. Aujourd'hui, ça passe à Beaubourg, il y a 300 personnes qui viennent voir ça, quoi. Je trouve ça très bien. Moi je trouve ça fantastique que ça reste pas confidentiel, et que ça puisse exporter, même s'il y a travaillé avec l'institution, et qu'on peut considérer un peu ça comme une trahison, etc. Mais... Il y a toujours les salles où il reste que 20 personnes, etc. Mais même chez les musiciens de jazz, de techno, etc., on trouve n'importe où. Mais souvent, c'est les choses qui se voient le moins, quoi, parce que justement... Des choses émergentes. Quand tu vas voir Consumer Electronics, effectivement, on est 50. Je sais pas, peut-être dans 20 ans, ce sera un peu différent, ce sera reconnu, etc. C'est les mouvements émergents et qui sont justement... sans faire le snob, génial, je vais à un concert avec 20 personnes, on est meilleur que les autres parce qu'on écoute en petit comité. C'est pas ça, c'est que il y a des choses qui sont vraiment expérimentales, c'est-à-dire que c'est des choses qui vont être, enfin, comment dire, émergent, se cherchent, sont parfois bancales, etc., et vont se construire petit à petit, et au final vont avoir une viabilité dans l'histoire, quoi. Et donc ça va concerner plus de monde, ça va se diffuser. C'est pareil, Radig, la trilogie de la mort, au 102, il y a 20 ans, on était 30 dans la salle à écouter ça, c'était super, hein. Maintenant, quand tu vois Aline Radig, quand elle passe quelque part, où ça, au Palais de Tokyo, c'est super hype d'aller voir Aline Radig, mais c'est bien, enfin c'est quand même bien aussi que cette reconnaissance puisse enfin venir pour des gens comme ça, quoi. Donc oui, il y a une des choses dont je me doutais pas du tout il y a 20 ans que beaucoup de gens écouteraient ça, et puis qui aujourd'hui effectivement à côté du Star System arrive à survivre bien. Si je passe à d'autres questions, oui, non. D'autres commentaires, réflexions, coups de gueule. C'est surtout une réflexion. C'est peut-être quasiment hors sujet, mais je pense qu'on va s'y retrouver. Faut pas oublier aussi que les artistes sont soumis aux mêmes déterminismes sociaux qui frappent le reste de la société. C'est-à-dire qu'un enfant d'ouvrier qui décide d'être artiste, il va en chier bien plus qu'un fils à papa. Donc là-dessus aussi, je pense qu'il y a beaucoup de choses à revoir et ça fait partie, j'espère, du mouvement d'ensemble qui va peut-être remuer enfin les choses. Ouais, une petite réflexion, je me suis souvenu d'un truc quand j'avais fait mon petit atelier de dessin à Toulouse, c'est que du coup bah, les parents ils amenaient leurs enfants et ils les regardaient dessiner et au final il y avait plus d'enfants qui dessinaient que d'adultes et moi j'ai trouvé ça un peu dommage en fait, donc voilà, je sais pas s'il y a des parents ici mais quand vos enfants dessinent, dessinez aussi avec eux, enfin franchement c'est vraiment quelque chose à faire je pense, surtout que enfin ça m'a fait remonter aussi l'idée que bah quelque part aussi il y avait beaucoup cette idée qu'un dessin ça doit être beau, ça doit être esthétique. Moi j'ai envie de dire que l'esthétique bah je l'emmerde, enfin quelque part pour moi on n'a pas à faire des choses belles, on a juste à faire des choses qui nous font du bien et bah voilà, en fait on n'a pas besoin de savoir dessiner, enfin tout le monde sait dessiner, enfin c'est, je sais pas, moi je trouve il y a un gros tabou autour aussi de la forme aujourd'hui et bah voilà, je sais pas, après moi enfin voilà, je suis contente d'être à la Maison Rouge mais bon enfin c'est toujours le même public qui vient, c'est toujours les mêmes habitués et ça c'est quelque chose qui me fait aussi un peu de la peine, donc bon, voilà, moi je sais, enfin, quelque part je sais qu'avec la démarche que j'ai envie d'avoir, je pourrais jamais en vivre, mais moi mon rêve ce serait l'art dans la rue et puis que chacun en fasse ce qu'il en veut, quoi, c'est tout. Juste un truc. Oui, mais justement l'art dans la rue c'est très intéressant, mais enfin voilà, faut savoir quel art dans la rue, si c'est JR, si c'est du street art qui est devenu extrêmement conventionnel, ou si c'est à une époque John Cage qui va faire sa pièce 4 minutes 33, donc pendant 4 minutes 33 c'est du silence, il ne joue pas, il s'installe dans la rue avec un piano, il va faire semblant de jouer, puis finalement il ne joue pas, et tout le monde se rassemble autour et attend, et finit par écouter, avoir une écoute, parce que tout le monde est dans une écoute esthétique, et finalement ils s'écoutent les uns les autres. Et John Cage arrive à leur dire, ben voilà, c'est, il y a pas, il y a tout est son musical. Et c'est votre environnement quotidien et son musical. Et c'est un gros risque qu'il prend à ce moment-là. Et c'est magnifique. Il y a un film qui existe. C'est super beau, quoi. Je pense moi que c'est ce qui est en train de se passer ici au niveau des discussions. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'est pas dans, avec toujours le même public qui vient voir les mêmes discussions, qui est avec les mêmes avis, etc. Mais il y a cette rencontre entre les différentes personnes qui peuvent échanger. Et effectivement, si ça peut se passer sur le plan esthétique aussi, ça s'est passé un petit peu ici. Il y a eu dessin debout, donc effectivement avec des démarches un peu comme la tienne. Il y a des gens des Beaux-Arts qui ont construit un château en palissade, etc. Bon, les CRS n'ont pas trop aimé, ils ont tout détruit. chacun ses goûts. Donc voilà, il y a eu des trucs, il y a l'orchestre, etc. Mais c'est vrai que c'est... on parle beaucoup, mais c'est vrai que la dimension esthétique est pas, peut-être pas suffisamment présente. Oh, d'autres remarques, d'autres commentaires, d'autres questions, d'autres je sais pas quoi. Merci pour la discussion. Merci. Vous avez fini. Je prends le micro pour vous annoncer la conférence qui va suivre, si celle-ci est terminée, s'il n'y a plus de prise de parole. La commission Jury Citoyen continue ses conférences tous les jeudis soirs. Et ce soir, c'est Jacques Testard que nous accueillons Place de la République. Jacques Testard, c'est une célébrité. On est vraiment très, très content de l'avoir avec nous. C'est le papa de tous les bébés éprouvettes de France. Voilà, en résumé, je pense qu'il aime pas trop ce raccourci, mais il faisait partie de l'équipe qui a permis la première fécondation in vitro en France en 1980. Il a beaucoup écrit 25 ouvrages sur la biologie, sur l'agronomie, et puis petit à petit, sa réflexion a évolué vers les institutions politiques, et il est devenu une voix qui porte très loin les revendications de la démocratie participative. Donc il est là ce soir pour vous parler des institutions politiques, faire une critique des institutions politiques et faire une proposition de procédure, de principe où les citoyens participeraient réellement à la vie politique. Il est là pour nous ce soir et ça se passera tout simplement dans la tente qui est couleur sable juste à côté, le temps de transporter la sono d'ici 10 minutes. Merci à tous, merci beaucoup à tous les deux. Du coup, c'est une dernière intervention de la journée. Moi aussi, je voulais juste vous faire quelques communiqués de la part de la commission SDF. Ils organisent en fait une AG Action mercredi de la semaine prochaine, le mercredi 8 à 13h à République. Donc pour tous les SDF, les réfugiés, les hébergés, les sans-logis. Voilà, donc si vous voulez y aller et les soutenir, vous pouvez aussi aller vous renseigner à leur commission SDF qui se trouve sur la gauche, je ne sais pas exactement où. Sinon, ce week-end, avec l'éducation populaire, nous on fait deux journées thématiques, donc une samedi, une journée thématique sur le TAFTA à partir de 11h, et dimanche, une journée thématique à partir... Samedi, c'est midi, on me dit à l'oreillette. Samedi, c'est midi, donc la journée thématique TAFTA. Et dimanche, une journée thématique sur les violences faites aux femmes. Voilà, donc venez nombreux. Je vous dis aussi que si vous voulez intervenir à l'éducation populaire, vous êtes tous les bienvenus. N'importe qui peut intervenir sur n'importe quel sujet, pratique, réflexion, tout ce que vous voulez. On vous inscrit sur le cahier et voilà. D'ailleurs, pour rebondir sur ce que vous disiez, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de choses sur la politique, l'agriculture, l'économie, etc. Et sur l'art, le cinéma, la musique, etc. Finalement, je crois que vous êtes un peu les premiers que j'entends. Donc, voilà. Position dans ce registre-là, très bienvenue. Et même si vous êtes simplement, enfin, surtout aussi, enfin, je sais pas, mais si vous êtes un artiste, justement, venir juste parler de votre pratique, c'est aussi très intéressant de partager à ce niveau-là et pas qu'au niveau d'une réflexion ou d'une pensée. Donc voilà, n'hésitez pas à proposer une intervention. On a aussi une boîte à questions. En fait, tous les samedis à 16h, on discute tous ensemble sans intervenant à partir de questions que vous avez posées. Donc c'est vos questions, en fait, et vos réponses. Voilà, au sein d'un débat. Voilà, et puis ben n'hésitez pas à réécouter les interventions, elles sont toutes enregistrées et en ligne sur notre site d'EducPop et également sur le Facebook Debout Éducation Populaire. Et puis si vous êtes motivé et que vous voulez nous aider à ranger la vache, c'est sans pas de refus, ou faire partie de l'organisation d'EducPop, n'hésitez pas, on n'est jamais assez nombreux. Voilà, merci à tous et à demain.